le 6-9 de l'été, sur France Inter. Voici Magic Elvis, Elvis Presley raconté par Philippe Robin et aujourd'hui, un amour perdu, Priscilla. Dans les allées surpeuplées de Graceland, on parle beaucoup d'Elvis, évidemment. Mais les conversations féminines concernent souvent son ex-femme, Priscilla, qui a d'ailleurs prévu de faire une apparition durant le mois d'août. Cette jeune admiratrice d'origine égyptienne serait ravie d'une rencontre. J'aimerais bien voir sa femme ou sa fille, je sais pas, peut-être que... Je parais qu'elle passe de temps en temps. J'aimerais bien, ouais. Je sais pas, ça fait quelque chose de voir la femme ou qui a partagé la vie d'Elvis. Priscilla, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, mais la chance que tu as eue et pourquoi tu l'as quitté, pourquoi tu n'as pas résisté, il t'a quand même tout donné. Pourquoi tu l'as quitté pour son prof de karaté, c'est quand même humiliant. D'un autre côté, on te comprend parce que tu as été délaissée. Comme le rappelle l'auteur suisse Jacques Delesser, le divorce entre Priscilla et Elvis en 1973 a vraiment perturbé la vie du chanteur. Il a vraiment, vraiment aimé cette femme. Et cette rupture pour Elvis Presley, l'homme à femme, que sa femme le quitte, c'était un coup moral terrible. Il s'est un petit peu enfoncé de plus en plus, il a donné de plus en plus de concerts pour essayer d'oublier, et puis une vie de fou. Donc à la fin, je pense qu'il s'est un peu laissé couler. One night with you. Make my dreams come true. Joe Esposito, qui fut très proche du couple, comprend la jeune femme. Ils faisaient rarement des choses ensemble. On était tout le temps dans la maison. Il nous voulait toujours autour de lui. On jouait, on allait au cinéma, en vacances, on faisait tout ensemble. La seule possibilité qu'ils avaient d'être seuls, c'était de monter dans la chambre. C'était vraiment dur pour elle, et je la comprends. Dans un livre intitulé « Elvis et moi », Priscilla Presley a pu dévoiler ce que fut sa vie auprès d'Elvis. On y trouve évidemment beaucoup de tendresse, mais aussi pas mal de rancœur pour son mari. Cela dit, Priscilla viendra avec plaisir à Graceland cet été, comme à chaque fois qu'il y a un grand événement autour de la mémoire d'Elvis. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicion. I have Magic Elvis avec Philippe Robin